C'est pas Field, c'est Field. Tu parles pas français? Tu parles pas français? Bon, si vous faites un morceau là. Putain, j'ai froid en plus. C'est chier. Oh, petit morceau là. Tu veux que la batterie un peu? Ouais, tu m'étonnes. Bon, je vais essayer de mettre un peu de pumchak.